Sauvons-nous, mademoiselle, lui dit Courapier. Ils sont peut-être une bande, et ils vont nous assommer. Je n'aurai pas la force de vous défendre, car je me suis éreinté à tenir vigoureux, et je vais être obligé de le lâcher. J'aime mieux mourir ici que de fuir, au moment où je retrouve l'assassin de mon père. À ce moment, quelqu'un entr'ouvrit doucement les volets. Qui est là ? Demanda une voix de femme. Mademoiselle Monistrol resta stupéfaite. Elle cherchait Zigzag, elle venait d'essayer de l'attirer à la fenêtre, et c'était une femme qui répondait à l'appel des cailloux lancés dans les volets. Et pourtant Vigoureux bondissait de telle sorte qu'il devait avoir reconnu la personne qui parlait. Courapier aussi l'avait reconnue, car il s'écria « C'est la voix d'Amanda !» Il avait malheureusement parlé assez haut pour qu'on l'entendît de la maison, et l'effet de cette imprudente exclamation ne se fit pas attendre. Les volets s'ouvrirent à deux battants, et une forme blanche se montra. Camille et ses auxiliaires restaient groupés sous la fenêtre où se tenait l'apparition, et la nuit n'était pas assez noire pour les cacher. « Ah, gueuse !» reprit Courapier, emporté par la colère. « Je te retrouve donc enfin, et tu vas me payer le tour que tu m'as joué. »« Comment ? C'est toi, imbécile ?» reprit la voix. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?»« Je viens te chercher, coquine. »« Me chercher ? Ah, elle est bonne, celle-là. Tu te figures que je vais encore courir les foires avec toi ?»« Merci, mon bonhomme. J'en ai assez de ta société et du métier. Tu repasseras une autre fois. »« Oui, compte là-dessus, je te tiens. Je ne te lâcherai pas. » « Viens donc me prendre. Entre, mon vieux. La porte est ouverte. »« Oui, et ton amant m'attend dans le corridor pour me tomber dessus par derrière. »« Tiens, tu as trouvé ça tout seul ?»« Eh bien, tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis seul. »« Il faut que tu sois bien lâche pour ne pas oser avancer. »« Je ne suis qu'une femme, mais je ne cannerai pas comme ça. »« Tu mens. Zigzag est avec toi. »« Zigzag. Ah ben, tu retardes. Il a filé en même temps que moi. »« Parce que le patron ne nous payait pas notre dû. »« Mais il n'a pas traîné à Paris. » Il a trouvé un engagement à Londres, et il est loin, à cette heure, s'il court toujours depuis qu'il est parti. C'est pas vrai. Si c'était vrai, on le repasserait. Il serait guillotiné, le scélérat. À cause de l'histoire du boulevard Voltaire ? Ah bien, il s'en fiche un peu de cette affaire-là. Le juge l'a lâché. C'est qu'il n'y avait rien contre lui. Mais tu es donc de la police maintenant ? Combien te paye-t-on pour filer ton ancien camarade ? Vilain métier que tu fais là. Encore, si tu étais malin, tu pourrais y gagner ta vie. « Mais tu es trop bête, tu ne trouveras jamais rien, et le roussin en chef te mettra à pied un de ces quatre matins. »« Est-ce que tu en as amené avec toi des roussins ?»« Non, mais je vais en chercher. Il y a un poste pas loin d'ici. »« Oui, va, mon garçon, je les attends. Vous êtes trois, les deux autres monteront la garde ici pendant que tu feras ta course. »« Qui c'est-il, ces deux-là ? » ?»« Il y en a un petit et un grand. Parions que le petit, c'est ce crapaud de Georget. » L'enfant avait bonne envie de répondre. Oui, mais son père lui mit la main sur la bouche. Camille écoutait en frémissant d'impatience cet étrange dialogue et trouvait qu'il était temps de passer des paroles aux actes. Elle ne doutait plus que Zigzag fût là, dans le fond de cette pièce, dont Amanda occupait l'unique fenêtre, et elle cherchait un moyen de le forcer à se montrer. Il ne s'agissait plus maintenant de voir ses mains et son visage. Il s'agissait de le prendre, et pour l'empêcher de fuir, elle n'aurait pas hésité à l'arrêter en le blessant d'une balle de revolver. Mais le clown se gardait bien de paraître. « Oui, reprit Amanda, j'en suis sûr maintenant, c'est ce vilain moucheron de Georget. Il se mêle aussi de me faire des misères. C'est bon, je lui revaudrai ça. Mais où as-tu pêché l'autre, la blouse blanche ? Est-ce que tu l'as embauché dans la troupe pour remplacer Zigzag ?» Tout en interpellant ainsi ses adversaires, la coquine se retirait tout doucement de la fenêtre et Courapier pensa qu'elle s'apprêtait à se sauver par l'autre façade de la maison. Il se trompait. Après avoir disparu un instant, Amanda revint et lança un objet qui décrivit une courbe lumineuse, comme une étoile filante, et qui, en tombant aux pieds de Camille, s'enflamma tout à coup et se mit à répandre une lumière aveuglante. C'était un de ces feux de Bengale que les baigneurs des plages normandes s'amusent quelquefois à allumer pour éclairer les falaises. Mademoiselle Monistrol, surprise et éblouie, recula en levant la tête et montra en plein son visage, insuffisamment abrité par son béret. « Bon, j'y suis, » ricana la voix stridente d'Amanda. « C'est la princesse que j'ai mise à la porte de la baraque, l'autre jour, place du trône. Tu es donc assez gâche maintenant que tu l'as conduite ici ?» Elle court à pas Zigzag, parce qu'elle se figure que Zigzag a tué son papa. « Fille, mademoiselle, que c'est laid de se faire moucharde. Savez-vous bien qu'il pourra vous en cuire ? Nous ne sommes pas ici au boulevard Voltaire, et j'ai bien envie de me payer la fantaisie de vous traiter comme vous le méritez. » Camille n'écoutait pas ses menaces. À la lueur du feu de Bengale, elle avait cru entrevoir au fond de la chambre la silhouette d'un homme, et cette vision rapidement évanouie l'occupait tout entière. Et toi, vieux filou, reprit Amanda, tu as donc volé Vigoureux ? Je m'explique à présent comment tu es arrivé ici avec ton gosse et la gonzesse, qui se mêlent des jouets les travestis. Je l'avais envoyé me chercher ma boîte à bijoux, qui était restée dans la baraque, et tu l'as empoignée à la sortie. Tu as dû le prendre en traite, car il t'aurait mangé si tu l'avais attaqué en face. Il a su retrouver son chemin, le brave caniche, et il me rapporte le coffret. Tu n'as pas osé lui retirer de la gueule, grand couard, et tu l'as muselé, et tu l'as attaché avec une corde. Mais tu vas me faire le plaisir de le lâcher, et plus vite que ça. » Courapier n'obéit point à cet ordre, mais il ne savait quelle partie prendre. Il ne se souciait point de suivre Vigoureux dans l'intérieur de cette maison en ruine, qui avait bien la mine d'être un coupe-gorge, et d'un autre côté lui rendre la liberté, c'eût été perdre tout le fruit d'une longue et pénible expédition. Battre en retraite et ramener le terrible dog, c'était impraticable. Il aurait fallu le traîner, et Courapier n'en pouvait plus. L'ennemi, d'ailleurs, n'aurait pas manqué de faire une sortie pour délivrer le prisonnier et tomber sur la petite troupe qui se repliait. Le pauvre pitre regarda Camille pour lui demander conseil. Mais le feu de Bengale commençait à s'éteindre et leurs yeux ne se rencontrèrent pas. « Décidément, tu ne veux pas le lâcher !» cria la complice de Zigzag. « Eh bien, nous allons voir !» Un coup de sifflet sec et sonore perça le silence de la nuit. Vigoureux, qui connaissait ce signal, prit un élan si furieux qui l'entraîna court à pied jusqu'à l'entrée du corridor sombre. « Aide-moi, Georget !» cria le malheureux mari d'Amanda. Georget saisit la corde à deux mains, mais le chien donna une dernière secousse, qui la rompit au moment où le père et le fils disparaissaient dans l'allée. Camille entendit deux cris de détresse, puis un bruit sourd, puis plus rien. « Le premier mouvement est toujours le bon, à ce qu'on prétend, et Mademoiselle Monistrol se précipita pour secourir ses amis disparus. L'entrée du corridor n'était pas loin. » Elle y arriva en trois enjambées. Elle allait la franchir et tomber dans le piège, comme Georget et Courapier, mais par bonheur elle trébucha sur le seuil, et elle s'arrêta pour reprendre son aplomb avant de reprendre son élan. Ce léger accident lui sauva la vie. Elle sentit un air frais et humide, et ses yeux, qui s'étaient accoutumés à l'obscurité, reconnurent qu'il y avait dans le plancher de l'allée une solution de continuité. Alors elle comprit. Le père et le fils, entraînés par Vigoureux, n'avaient rencontré sur leurs pieds que le vide, et ils étaient tombés tous les deux dans une trappe ouverte, tandis que l'horrible chien, qui connaissait ce trou perfide, le franchissait d'un bond, et allait rejoindre ses maîtres cachés dans la maison. Et les malheureux auxiliaires de Camille avaient dû se tuer dans leur chute, car elle ne criait plus. Camille prêta l'oreille, et elle n'entendit pas un appel au secours, pas même un gémissement. Sans doute ils étaient morts sur le coup, et cette affreuse mort avait été préparée par Amanda, qui espérait supprimer en même temps Mademoiselle Monistrol. Une forteresse est protégée par des fossés. La villa maudite était protégée par un obstacle invisible, une cave profonde et béante, où se jetaient forcément tous ceux qui essayaient d'entrer sans être avertis du danger. Et en appelant son chien, Amanda savait fort bien ce qui allait se passer. Son coup de sifflet équivalait à un assassinat. Camille fit ses raisonnements en moins de temps qu'il n'en faut pour les écrire. Mais se rendre compte de la situation n'était rien. Il s'agissait de prendre un parti et de le prendre sur le champ, car l'atroce femelle qui venait de se débarrasser par un crime de son malheureux mari n'allait certes pas en rester là. L'occasion était trop bonne pour détruire en bloc tous les ennemis de Zigzag, alors même qu'elle eût été seule dans son repère et son complice devait être là. Camille devait donc s'attendre à une sortie, et elle se prépara d'abord à recevoir à coups de revolver ceux qui l'attaqueraient. Elle eut même la présence d'esprit de calculer que l'attaque ne viendrait pas du fond du corridor, car les assaillants ne pourraient pas, comme Vigoureux, franchir d'un saut l'ouverture de la cave. Mais rien ne les empêchait de faire le tour de la maison, il y avait certainement une autre issue, et de venir couper la retraite à Mademoiselle Monistrol. La pauvre enfant restait penchée sur le gouffre noir qui avait englouti ses alliés, et hésitant malgré tout à les abandonner. Elle appela Georget à plusieurs reprises, et personne ne lui répondit. Essayer de les sauver c'eût été se perdre elle-même, et bien inutilement. Mieux valait aller chercher du secours, et il n'y avait pas une minute à perdre pour échapper au péril qui la menaçait. Et quel péril ! Tomber entre les mains d'un monstre à visage de femme, qui était capable d'inventer des supplices raffinés pour torturer sa prisonnière ? Être déchiré par les crocs de ce dogue féroce qu'Amanda ne manquerait pas d'exciter contre elle ? Zigzag du moins tuait d'un seul coup. L'imprudente expédition où Camille s'était embarquée coûtait bien cher à ses amis. Pour essayer de réparer le mal qu'elle leur avait fait, il ne lui restait d'autre moyen que de courir au poste le plus voisin et de ramener des agents, qui retireraient du gouffre les deux victimes d'Amanda. Au moment où elle se décidait à fuir, elle entendit deux voix qui parlaient dans l'intérieur de la maison. La voix d'Amanda, qu'elle reconnut très bien, et une autre voix plus grave. Camille ne distinguait pas les paroles, mais le diapason de cette conversation s'élevait progressivement, comme il arrive lorsque les interlocuteurs se querellent. Évidemment, Amanda discutait avec un homme qui ne pouvait être que son complice, et Mademoiselle Monistrol devina quel était le sujet de la dispute. Sans doute l'un des scélérats voulait la tuer sur place, et l'autre était d'avis de la laisser fuir. La jeune fille n'attendit pas la fin de ce colloque. Elle prit sa course en évitant de passer sous la fenêtre ouverte, et quand elle fut arrivée au tas de pierres qui l'avait abritée un instant, avec ses infortunés compagnons, elle se retourna pour s'assurer qu'on ne la poursuivait pas. Elle ne vit personne, mais la nuit était si noire que la vue ne portait pas très loin. En revanche, elle entendit très distinctement aboyer le chien. Ses maîtres l'avaient démuselé et il exprimait sa joie. Les aboiements partaient de la maison. Restait à savoir s'il n'allait pas se rapprocher. Et Camille, médiocrement rassurée, se remit à courir à toutes jambes vers la route de la révolte. Il lui semblait qu'elle y serait plus en sûreté que dans cette plaine déserte, et puis elle se figurait que cette route, si malfamée qu'elle fût, devait aboutir à une des portes de Paris. Son costume d'homme ne la gênait pas, et elle avait de bonnes jambes. En moins de 5 minutes, elle se retrouva sur le macadam. Là, elle s'arrêta pour souffler, et aussi pour décider de quel côté elle allait se diriger. Camille savait bien qu'en refaisant le chemin qu'elle avait déjà suivi avec Courapier, elle arriverait à la porte de Clichy. Mais il lui aurait fallu passer devant ce tombeau des lapins, où tous les ivrognes de ces parages semblaient s'être donné rendez-vous ce soir-là. C'était une chance inouïe qu'elle n'eût pas fait de mauvaises rencontres, et elle n'aurait peut-être pas le même bonheur en se risquant une seconde fois de ce côté, surtout maintenant qu'elle était seule. L'armée des chiffonniers venait de se mettre en branle. On apercevait encore leurs falots dans le lointain, et Camille ne se souciait pas de les rencontrer. En quoi elle avait tort? Car en général, les chiffonniers sont d'honnêtes gens, et leur compagnie l'aurait probablement préservée de rencontres plus fâcheuses. Elle préféra prendre la direction opposée, sans réfléchir que de ce côté, la route de la révolte s'éloigne de plus en plus des fortifications. Elle aurait pourtant dû se rappeler que le pauvre Courapier avait dit « Ce sale chien va finir par nous mener à Saint-Denis ». Mais il était écrit que Mademoiselle Monistrol courait, cette nuit-là, d'autres aventures. Elle prit le pas accéléré en ayant soin de marcher au milieu de la route pour éviter les embuscades. Et elle alla ainsi pendant un gros quart d'heure, l'œil au guet et le pistolet à la main. Elle voyait toujours la butte Montmartre à sa droite, mais devant elle rien qu'une plaine sans fin, et pas une seule lumière. Alors elle commença à se demander si elle ne tournait pas le dos à la porte qu'elle cherchait, la porte où elle trouverait des commis de l'octroi, qui lui indiqueraient un poste de sergent de ville, et elle cessa d'avancer. À ce moment, deux ombres surgirent d'une dépression de terrain, deux ombres qui semblaient ramper pour se rapprocher d'elle. Mademoiselle Monistrol, occupée à chercher son chemin, ne vit pas tout d'abord ces deux ombres suspectes. Ou si elle les vit, elle ne remarqua point qu'elles avaient forme humaine, et elle se remit à avancer lentement. À cet endroit commençait une côte en pente douce, et Camille espérait qu'en montant, elle finirait par apercevoir un point de repère qui lui permettrait de s'orienter. Elle n'alla pas loin. Un léger bruit la fit tressaillir. Il lui sembla qu'on marchait derrière elle sur la route, et elle se retourna vivement pour faire face à ceux qui la suivaient. Mais elle n'eut pas le temps de se mettre en défense. Deux hommes se jetèrent sur elle. L'un la prit par le cou, l'autre la prit à bras le corps. Et elle entendit ces mots. « Tiens bon, je vais lui passer le collier, et quand je l'aurai enlevé sur mon dos, tu me barboteras les poches. » Camille, en se débattant, pressa machinalement la détente de son revolver. Le coup partit, et la balle se perdit dans le vide. « De quoi? Le pente qui fait le méchant ?» reprit un des malandrins. « Attends un peu que je le prive de ce joujou-là. » Et d'un coup de bâton vigoureusement appliqué sur le pistolet que tenait la malheureuse jeune fille, il le fit sauter à 10 pas, pendant que son complice la serrait à l'étouffer. Camille poussa un cri, un seul. Elle sentit qu'on lui jetait une courroie autour du cou, et elle crut qu'elle allait mourir comme son père, et étranglée. L'idée que cet assaillant était zigzag lui traversa l'esprit, mais elle s'aperçut presque aussitôt que ces gens-là n'en voulaient qu'à son argent. L'homme qui tenait d'une main les deux bouts de la courroie et de l'autre une trique se retrouva vivement et enleva Camille qui perdit pied et resta suspendu comme un paquet sur les épaules du bandit, pendant que le second détrousseur commençait à la fouiller. Elle étouffait et cependant elle conservait le sentiment de l'existence, parce que le lien de cuir ne pesait que sur sa nuque au lieu de lui serrer la gorge. La pauvre enfant avait affaire à deux de ces voleurs qui pratiquent le charriage à la mécanique. L'opération est très simple et réussit toujours. Elle se termine assez souvent par la mort du patient, quand il a été enlevé dos à dos, parce que dans cette position, la courroie porte sur le larynx et supprime complètement la respiration. Cette fois, les deux coquins avaient employé le procédé le plus doux, et leur victime n'était encore que suffoquée. Camille sentait de grosses mains se promener dans ses poches, et elle entendait des mots d'argot bourdonner à ses oreilles. « Il y a gras, de l'or dans sa montante, une tocande de son gilet. En voilà un drôle d'apprenti. Faut que ça soit un rupin qui s'est camouflé en ouvrier pour aller voir une largue de la haute. Il a les mains blanches comme une fille. « Tiens, c'en est une, » dit tout à coup le fouilleur. Le béret dont Camille était coiffée venait de tomber. Ses cheveux qu'elle avait rassemblés sur le haut de sa tête venaient de se dénouer et ses longues tresses pendaient sur sa blouse. « Comment, vrai, c'est une largue ?» demanda l'autre, le porteur. « Oui, mon vieux, et une chouette encore. Eh ben, fini le barbeau. Après, nous l'emporterons dans le champ de fèves, et on pourra rigoler. Elle va crier. Je m'en bats l'œil. Les roussins sont couchés, et les biffins de la cité du soleil ne passent jamais par ici. Ça ne fait rien, je vais la museler.